Chapitre 2e, Pyram. Joseph, demi-mourant d'émotion, tremblant, perdant la tête, pleurant, donna l'alarme aux voisins qui accoururent et se rendit au prochain commissariat faire sa déclaration. Le commissaire ne tarda pas à arriver avec un médecin requis d'office. La maison était pleine de curieux, la chambre du mort envahie, et les commentaires allaient leur train. Personne encore n'avait osé toucher au cadavre. On savait qu'on devait le laisser ainsi pour l'enquête judiciaire. Les agents que le commissaire avait amenés soulevèrent donc le cadavre. Le commissaire, à peine eut-il regardé M. Thénin, que ses hommes déposaient sur le sofa, qu'il dit un mot à l'oreille du médecin et qu'il se tourna vers les curieux, ordonnant « Que tout le monde sorte, les domestiques seulement en restaient. » On fit évacuer la chambre. Le médecin s'était penché sur le cadavre. « Oui, dit-il au commissaire, vous avez raison. M. Thénin a été assassiné, étranglé. » Marceline et Joseph, en entendant ces mots, s'écroulèrent, anéantis, accablés, chacun sur une chaise, comme si la mort de leur vieux maître les atteignait eux aussi par contre-coup. Quand ils eurent retrouvé leur sens, le commissaire leur posa quelques questions pour commencer son enquête, en attendant le parquet que l'on venait de prévenir par téléphone. La communication fut donnée avec le cabinet de M. Baumier, chef de la sûreté, qui précisément se trouvait en ce moment en conférence avec son principal détective, Paulin Broquet. Le chef de la sûreté dit à Paulin Broquet « Un vieux rentier a été étranglé cette nuit à Passy. » Paulin Broquet tressaillit. « À Passy » fit-il. « Un vieux rentier. » Il demanda. « Ne serait-ce pas par hasard, monsieur Thénin ?»« Précisément, » répondit le chef de la sûreté, surpris. « Comment savez-vous cela ?»« Ça devait lui arriver. C'était fatal. Pourquoi ?»« Parce qu'il est l'oncle de son neveu, » déclara le détective. Et il ajouta. « Si vous m'autorisez, chef, je vous accompagnerai. » « Très volontiers. » Peu après, le chef de la sûreté, M. Herbin, juge d'instruction, Paulin Broquet et son second, Gabriel, arrivèrent à Passy et pénétrèrent dans le pavillon de M. Thénin. Paulin Broquet aussitôt commença son enquête. Il regarda la chambre, la position du corps, et alla étudier le coffre-fort qui était le meuble le plus important de cette pièce. Car M. Thénin, nous le savons, très avare, partant très méfiant, avait fait placer dans sa chambre à coucher, qui était la pièce où il se tenait le plus fréquemment, le coffre-fort dans lequel il gardait l'argent, les valeurs qu'il n'avait pas encore mis en dépôt dans une maison de banque. Paulin Broquet ne vit rien de suspect sur la porte du coffre-fort, autour de la serrure, sur les plaques des lettres à combinaison. « Donc, fit-il, ou les voleurs n'ont pas eu le temps de piller le coffre, ou ils avaient les clés pour le faire tout à leur aise. » Alors il alla écouter la déposition des deux vieux domestiques. Naturellement, ces deux braves serviteurs, dont la douleur sincère, profonde, le chagrin réel était indiscutable, ne pouvaient être soupçonnés. « Nous logeons à l'autre bout du pavillon, » déclara Joseph, « près de la porte d'entrée. Nous sommes reliés à la chambre de monsieur par un téléphone domestique, une sonnerie qui d'ailleurs n'ont que très rarement fonctionné. Monsieur Thénin avait une excellente santé. Jamais il ne passait de mauvaises nuits. Il dormait d'un trait, et le matin, souvent, j'avais du mal à le réveiller. » Ah, ce matin, en lui apportant son chocolat, je croyais que ce serait encore comme ça. Mais, hélas, mon pauvre maître, c'est fini maintenant. Je ne pourrai plus le réveiller. Il dort le grand sommeil. Ah, quel malheur, quel épouvantable malheur. Paulin Broquet demanda. Vous n'assistez jamais au coucher de votre maître? Non, monsieur, jamais. D'ailleurs, monsieur se couchait assez tard. Il sortait, allait au cercle, au théâtre, chez ses parents, en soirée. Oh non, jamais. Monsieur, depuis de longues années, n'a plus mis les pieds dehors après son dîner. Mais il montait dans sa chambre, il fumait une pipe, lisait les journaux, ou bien faisait la partie avec Monsieur Charles. Qui est Monsieur Charles? Son neveu, le fils de son frère. Un charmant garçon que mon pauvre maître aimait beaucoup. C'était son dernier, son seul parent. Tenez, hier soir encore, Monsieur Charles est venu passer une heure avec son oncle. Hier soir? Oui. J'ai disposé le jeu de piquet et la partie commençait quand je suis descendu me coucher. Monsieur Charles est resté longtemps avec son oncle, comme d'habitude, jusqu'à 10 heures. Vous l'avez entendu partir? Oui, monsieur. C'est moi qui lui ai ouvert la porte de la rue. En passant devant notre chambre, il nous a dit, comme chaque fois, « Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Marceline. » Et il est sorti. Paulin Broquet demanda encore. « Vous n'avez rien entendu? Rien, pas un appel, pas un cri? Rien qui puisse vous faire soupçonner que votre malheureux maître courait un danger? Non? Nous sommes vieux, ma femme et moi. Nous avons l'oreille un peu dure et notre chambre se trouve bien loin de l'appartement de monsieur. C'est juste. Paulin Broquet demanda encore. Monsieur Charles n'est pas venu? Il ne sait pas le malheur qui frappe son oncle? J'ai envoyé quelqu'un le prévenir. Monsieur Charles va arriver. Oh, qu'il en aura du chagrin. Il aimait beaucoup son pauvre oncle. Il le regardait absolument comme un père. Ah, monsieur Charles va être accablé de douleur. Alors attendons l'avenue de monsieur Charles. À ce moment, le petit chien Pyram, qu'on avait enfermé dans une autre pièce, s'étant échappé, revint dans la chambre de son maître. À qui est ce chien? Demanda Paulin Broquet. C'est Pyram, le chien de monsieur, son compagnon. Ah, monsieur l'aimait bien. Où couchait-il? Dans la chambre de monsieur, même sur son lit. Et ce chien n'a pas aboyé hier soir? Il n'a pas donné l'alarme? Pardon, monsieur, il a aboyé. Nous l'avons parfaitement entendu. Seulement, nous avons cru que monsieur s'amusait avec lui, le faisait enrager, comme il se plaisait à le faire. Et nous n'y avons, ma femme et moi, pas prêté plus d'attention. Était-ce avant ou après le départ de monsieur Charles que vous avez entendu les aboiements du chien? Oh, après le départ de monsieur Charles, bien après. Ce qui prouverait que, ou bien à ce moment monsieur Thénin jouait avec son chien, ou bien que les malfaiteurs ayant attendu le départ de monsieur Charles accomplissaient leur odieux forfait. Hélas, c'est notre avis à ma femme et à moi. Paulin Broquet se mit de nouveau à chercher dans la chambre à coucher. Il revint près du sofa et se baissant, il ramassa à terre quelque chose de très petit comme un bout d'étoffe, guère plus large qu'un ongle. Il le regarda, approcha de la fenêtre pour le mieux voir. Puis il le serra dans son portefeuille très précieusement. Ensuite, toujours en cherchant, il passa dans le cabinet de toilette de M. Thénin. Au bout de quelques instants, il en sortit, silencieux, le front penché, un grand pli soucieux entre les sourcils. Enfin, comme un peu fatigué, il vint s'asseoir dans un fauteuil et laissa, sans paraître avoir de raison précise, de but déterminé, errer ses yeux dans la pièce, sur les gens, sur les choses. En face de lui se tenait, tapis, roulé, le museau sur le ventre, le petit chien. Paulin Broquet le regarda quelques minutes, et s'adressant à Joseph, à qui les magistrats posaient encore quelques questions, il demanda « Est-ce que Pyram est toujours comme ça, triste, roulé en boule ?»« Oh non, monsieur, » répondit le vieux serviteur. « Pyram, au contraire, est très vif, très remuant. Il n'est comme ça que depuis ce matin, parce qu'il sent bien que son maître est mort. »« Pauvre bête, » fit Paulin Broquet. « On a raison de croire que les chiens ont peut-être une âme d'un degré inférieur à celle de l'homme, mais ils ont certainement plus de cœur. » Il s'approcha du chien, le caressa, le flattant, lui disant des mots d'amitié. Puis tout à coup il s'écria « C'est très curieux, venez voir, docteur !» Le médecin, amené par le chef de la sûreté, vint auprès du détective, qui rapidement, à voix basse, lui dit quelques mots. Aussitôt l'homme de l'art se pencha sur le chien. Il l'examina pendant quelques secondes. Puis, se relevant, il dit à Paulin Broquet « Vous avez parfaitement raison, c'est indiscutable. » Alors il pria Joseph de lui fournir un panier assez grand pour y mettre Pyram. « Ce chien est malade, » dit-il, « on ne peut le laisser ici. On va l'emporter, et on vous le rendra après l'enterrement de son maître. » Peu après, un agent emportait dans un panier Pyram, à l'adresse que lui donna le docteur.